Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Ezali lisusu ngai na ye na mwa vidéo au moke. Toujours pour la situation de notre pays. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'actualités qui arrivent au fil du temps et moyen que commenter nion sauté na une heure y a live. Alors nous allons sectionner. Actualité, tout bandagoya mouké pour nous commenter. Aujourd'hui, je suis venu juste pour un rappel sur l'actualité où ils allaient coller Kasikoyo, mais bisote suite au Lobela Yango et Bondima qui bisote. Vous vous rappelez encore une de mes vidéos où j'ai parlé que j'avais sauvé le frère de Vidi Chimanga en Malaisie, au Azala qui est dans l'instance de pendaison. Et Naibsakibino que la présidence y a Congo, y a Tshisekedi, le régime de Tshisekedi, ne savait pas comment faut-il contacter les autorités malaisiennes pour que Basengana roi ya Malaisie ameka comprendre ba libérer les Congolais qui étaient arrêtés na drogue na Malaisie. Alors, Baluki moya ko en contact exacté et voilà ba conseil à Félix ba PCI conseil. Pour qu'il va contacter Ngai. Namekakwede Bango. Parce qu'il savait que j'avais un carnet d'adresse. Alors, ils m'ont contacté. Nakoyikobombe l'a binoté. C'est la conseillère principale, il y a Félix, Madame Chantal Yelou, qui m'a contacté. Nabaninganaye. Na ministre Ilunga de cette époque. Ministre Ilunga, c'est là qui est ministre, il y a gouvernement, il y a transition. Aoutaki et pas, il y a Kabila. Il s'appelait Ilunga, c'est un millevaure aussi. Et il a expliqué le processus, comment est-ce que j'ai aidé, parce que Nazali n'a carnet d'adresse. J'ai fouillé le carnet d'adresse, j'ai trouvé le ministre de la Justice à Malaisie, j'ai trouvé que dans le cabinet, il y a une étudiante, une de mes étudiantes de Corée. Tangaki est pas Nangaï, Natangisaki est, et d'ailleurs c'est moi qui ai dirigé son travail, y a master, et je l'ai contacté. Et na posta bilokwana nyonso, vous avez vu, processus ndengeni ndeleka ki jusqu'à ce que le qui a ndekwavili Chimanga azalaki na un jour y a pendaison, et il a été libéré. Na lobela ki yango, mais vous avez vu na posta ki ba remerciement ya ministre Ilunga et pa nangai, ya madame Chantal Yelou et pa nangai, et voilà, il rentre à Kinshasa na RTNC, ba ke koloba diplomatie à Fatih Béton. Et pourtant Fatih Béton a zana carnet d'adresse. Pour libérer ses frères de Vidi Chimanga, ils m'ont contacté, ils m'ont cherché parce qu'ils savaient très bien que j'avais un carnet d'adresse et son frère a été libéré. Alors ces gens ici, ce sont des parvenus au Yobayébi. Ce sont des chèkoulères. Moussa Nabango et Zalaki Kakabasi, Kobongisekobébisa Bapapia Batou, Bachekula, c'est tout. Bazalaki Natan, il y a formation T. Bazalaki Natan, il y a expérience, il y a cause expérience T. Ils arrivent donc parachutés dans le pouvoir. Ba yebite carnet d'adresse c'est quoi? Ba yebite baluka carnet d'adresse, ba tonga ka carnet d'adresse ndenge nini? Ba yebite. Problème na bango ezali juste mbongo place ezali ba kei kozwa. Et les Congolais bandimela gingaite. Et naib sakabino mes chers amis, quand nous venons comme ça, il faut prendre ça au sérieux. On ne vient pas pour faire des aventures. Alors, aujourd'hui, c'est le conseiller principal de notre idiot national qui vous dit que régime y a ba milovor ba kei ko troke ba minere na biso na ba rwandais en échange y a carnet d'adresse. Donc Kagame aye la bango carnet d'adresse bango ba pesa Kagame ba minere ndenge ya lingi et Kagame azui ba minere a pesi bango même une ligne y a carnet d'adresse a pesi bango ti. Après si Bangote Kagame se retrouve na or na biso bazo raffiner en Gokuna Air Rwanda ezo décerné na territoire na biso ba carré minier na Katanga na Kivu ba Rwandais bazui le M23 bazali wana ba Rwandais mais na carnet d'adresse a pesi bango eloko te 04. C'est comme si au Congo il y avait pas de Congolais qui avaient des carnets d'adresse. Il y a beaucoup de Congolais au bazar na carnet d'adresse. Juste bon bongisa gestion na bino. Management ya pays ezala malamu, on peut vous aider na ba carnet d'adresse.